Il connaissait l'histoire de son pays, d'Israël. Parce que lorsque les fils d'Amon sont venus pour lui faire la guerre, pour réclamer le territoire, vous voyez, écoutez la réponse de Jephté. Les rois des fils d'Amon répondirent au messager de Jephté. C'est qu'Israël, quand il est monté d'Égypte, s'est emparé de mon pays, depuis l'Arnon jusqu'au Jabbok et au Jourdain, râle maintenant de bon gré. Lorsque tu ne connais pas ton histoire, tu ne connais même pas l'histoire peut-être de ta tribu, de ta nation, les gens peuvent venir te réclamer ce qui te revient même des droits. Et vous voyez, tu ne peux pas régner sur un peuple lorsque tu ne connais pas son histoire. Nous devons être cultivés. Et Jephté, heureusement qu'il connaissait l'histoire, il a commencé à raconter ce qui s'est passé réellement. Comment? En disant que ce n'est pas Israël qui s'est emparé du pays de Moab, ni du pays d'Amon. Mais il a commencé à dire comment, quant au temps de Moïse, quand il marchait dans le désert jusqu'à la mer Rouge, arrivé à Kadesh, Israël a envoyé des messagers au roi d'Édom pour lui dire « Laisse-moi passer par ton pays ». Mais le roi d'Édom n'y consentit pas. Il envoya aussi au roi de Moab. Les deux ont refusé. Et Israël resta à Kadesh. Et lorsqu'il marcha dans le désert, tourna par le pays d'Édom et le pays de Moab, et vint à l'Orient maintenant, ils ont campé sans entrer par le territoire de Moab. Et il a encore envoyé des messagers au roi de Sion, roi des Amoréens, pour dire « Laisse-nous passer par ton pays ». Mais Sion n'a pas eu confiance pour laisser passer Israël. Et il a rassemblé son peuple pour venir combattre Israël. C'est comme si Israël faisait la légitime défense, vous voyez. C'est alors que l'Éternel livra Sion et tout son peuple entre les mains d'Israël. Il est bâti et s'empara du territoire. Vous voyez, il a commencé à raconter, à reconstituer les faits historiques. Bien-aimé dans le Seigneur, il est important de savoir l'histoire. Surtout lorsque tu veux régner sur un peuple, lorsque tu veux régner sur un territoire. Deuxième vérité, nous devons aussi apprendre à connaître nos droits. Et nous devons posséder ce que Dieu nous donne comme héritage. Beaucoup de gens ne possèdent pas certaines bénédictions parce qu'ils ne sont pas conscients de leur héritage. Je vais parler à toi. Dieu te dit, il faut posséder. Il faut posséder ton mariage. Il faut posséder ta nomination. Il faut posséder ton voyage. Ce n'est pas pour rien que tes pieds ont foulé cette entreprise ou on t'a pris comme stagiaire. Par la foi, Dieu te dit, il faut posséder parce que tu seras, oui, tu seras le prochain directeur de marketing dans quelques années. Il faut apprendre à posséder par la foi, à posséder dans la prière. Vous voyez ici ce qui se passe. Je t'ai dit que c'est notre Dieu qui nous a donné ce territoire en possession. Et écoutez même comment il se défend. Il dit ceci au verset 23. Et maintenant que l'Éternel, le Dieu d'Israël, a chassé les Amoréens devant son peuple d'Israël, est-ce toi qui aurais la possession de leur pays? Et il dit au verset 24, c'est que ton Dieu Kemosh, c'était le Dieu des Amoréens, ils avaient un Dieu, c'est que ton Dieu Kemosh te donne à posséder, ne les posséderas-tu pas? C'est pour dire que même dans le monde spirituel, chacun a ses dieux. Il y a des gens qui invoquent le dieu, qui sont dans le mysticisme, qui sont dans la sorcellerie, qui possèdent certaines choses, qui ravissent même certaines bénédictions, qui possèdent même certaines nominations. Pendant que toi, qui es chrétien, tu es distrait. Est-ce que tu comprends? Il dit, ce que notre Dieu nous donne de posséder, nous devons le posséder. Alors que les païens, ils vont faire des incantations, ils vont invoquer leur Dieu. Lorsqu'il y a un poste à pouvoir, il y a des gens qui vont faire fétiche, oui, pour posséder ce poste. Mais Dieu te dit, c'est toi qui dois invoquer le vrai Dieu pour posséder maintenant ta nomination, pour posséder maintenant ta richesse. Est-ce que tu comprends? Il dit au verset 24, ce que ton Dieu Kemosh te donne à posséder, ne le posséderas-tu pas? Et tout ce que l'Éternel notre Dieu a mis en notre possession devant nous, nous ne le posséderions pas. Donc il veut dire que c'est légitime. Quand Dieu me donne de posséder quelque chose, il faut le posséder. Mon frère, n'aie pas peur. Dieu te dit, la voiture que tu es en train de voir, il t'a montré même en vision. Il dit, il faut posséder cette voiture. N'aie pas peur de ce que les gens vont dire. Il y a quelqu'un, tu as peur de posséder un terrain que Dieu t'a donné. Un terrain que même tes parents t'ont laissé en héritage. Parce que les gens te disent que les sorciers risquent de te bouffer. N'aie pas peur. Il faut posséder ton droit. Il faut posséder ce terrain. Tu vas bâtir une maison où tu vas habiter. Parce que la Bible nous dit, bâtissez des maisons et habitez. Il faut posséder ton héritage. Troisième vérité, ne courez pas les risques de combattre contre les peuples de Dieu. Lorsque nous lisons le verset 27, il est dit, c'est Jephté qui parle, « Je ne t'ai point offensé et tu agis mal avec moi en me faisant la guerre. Que l'Éternel le juge soit aujourd'hui juge entre les enfants d'Israël et les fils d'Ammon. » Et le verset 28 précise, « Les rois des fils d'Ammon n'écouta point les paroles que Jephté lui fit dire. » Vous voyez, le roi d'Ammon a pris les risques de combattre contre Israël avec Jephté à sa tête. Il ne savait pas que Israël avait un dieu qui s'appelait Yahvé Sabaoth, l'Éternel des armées. Lorsque tu combats un tel peuple, tu cours les risques de suivre une grande défaite. Je vais parler à quelqu'un, écoute-moi bien. Tu es en train de faire des cabales pour combattre un homme de Dieu, une servante de Dieu. Tu prends les grands risques parce que ce que tu es en train de monter comme tentacule, comme complot, risque de se retourner contre toi. Lorsque tu combats un homme de Dieu, une servante de Dieu, quelqu'un qui marche avec le Seigneur, tu es en train de combattre Dieu lui-même. Et la Bible dit, c'est le Seigneur qui dit, celui qui te touche, touche à la prunelle de l'œil de l'Éternel. Faisons attention. Et nous voyons quand le roi d'Ammon a pris le risque de combattre contre Jephté, malgré qu'il lui ait dit qu'il ne lui a rien fait, l'Éternel a établi sa justice. Bien-aimé dans le Seigneur, faisons attention. Dieu pouvait dire à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Je voudrais que nous puissions célébrer ce Dieu en chantant ces cantiques en son honneur. Chanter un chant plein d'allégresse, car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi, car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi. Il me faut chanter un chant plein d'allégresse, car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi, car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi. Il me faut te chanter un chant plein d'allégresse, car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi, car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi. Il me faut te chanter un chant plein d'allégresse, car toi tu m'as délivré. Car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi. Il me faut te chanter un chant plein d'allégresse, car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi. Car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi. Il me faut te chanter un chant plein d'allégresse, car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi. Car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi. Alléluia. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Tu es ma délivrance. Thank you. faut te chanter un chant plein d'allégresse. Car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi. Car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi. Pour te chanter un chant plein d'allégresse. Car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi. Car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi. Alléluia. Il est Dieu, il mérite notre gloire, il mérite la louange, il mérite l'honneur. Élevons nos voix, bénissons-le, lui qui nous garde, lui qui nous protège, lui qui nous soutient. Amen. Nous rappelons que nous sommes à l'émission OSB, Opération sur la brèche. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site web www.radiofréquentevie.com. Notre passage du jour, c'est Juges chapitre 11, versets 12 à 28. Nous venons de voir plusieurs vérités dans ce passage. Nous devons connaître l'histoire de notre nation, l'histoire de notre peuple, l'histoire de notre entreprise. Il y a beaucoup de gens parfois qui sont bloqués dans certaines nominations parce qu'ils ne connaissent pas l'histoire. Tu vas prier le Seigneur pour qu'il t'aide à être cultivé afin que tu sois capable, comme Jephté, de te défendre en racontant l'histoire pour bien faire prévaloir tes droits au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Mon âme te bénit, ô Éternel. Tu es infiniment grand. Tu es infiniment vêtu d'éclat de magnificence. Mon âme te bénit parce que tu es Dieu d'éternité en éternité. Ce matin, ô Père Éternel, nous te bénissons et nous te glorifions. Nous te magnifions parce que tu es Dieu d'éternité en éternité. Nous prions, ô Père Éternel, et nous demandons que tu nous aides à être cultivés, que tu nous aides à acquérir des informations et à les retenir, à les mettre en pratique. Renforce nos capacités de compréhension, renforce nos capacités d'assimilation afin que nous puissions être cultivés pour mieux présenter notre entreprise, être cultivés pour mieux présenter notre communauté, être cultivés pour mieux présenter l'histoire du Seigneur, pour mieux exposer notre foi. Que ton nom soit béni et glorifié, parce que tout ceci contribuera à notre élévation. Tout ceci contribuera à à la manifestation de ta gloire dans tout ce que nous entreprenons. Merci Père éternel, parce que tu nous donnes cette faculté, tu nous donnes cette capacité, tu nous donnes cette aptitude, et nous prions contre toute forme d'ignorance dans le nom puissant de Jésus. Merci Père pour toutes les opportunités que tu nous donnes pour te représenter et pour déployer nos connaissances. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons prier pour que Dieu nous aide à posséder notre héritage. Jephté connaissait son héritage et il savait que chacun possédait l'héritage selon sa divinité. Et il a dit au verset 24, « Ce que l'Éternel notre Dieu a mis à notre possession devant nous, nous ne les posséderions pas. » Tu vas posséder. Quel est l'héritage que tu dois posséder? Ça peut être une bénédiction, une nomination, un mariage, un voyage. Ça peut être un terrain, une parcelle. Tu vas posséder dans le nom de Jésus. Et tu vas chasser s'il y a un occupant spirituel qui a occupé ton héritage depuis longtemps. Au nom de Jésus-Christ, prie le Seigneur. Nous voulons te dire merci ce matin, notre Dieu, notre Père, notre Seigneur, notre protecteur, notre berger, et nous ne manquerons de rien. Toi, notre défenseur, notre abri, nous te bénissons ce matin parce que tu nous as conféré, tu nous as donné, tu nous as attribué par la foi et physiquement un héritage. Mais malheureusement qui est occupé par des ennemis, par des hommes qui se sont appropriés. Notre Dieu, notre Père, nous avons la foi. Comme quand les enfants d'Israël ont eu leur territoire, il y avait les Héthiens, les Philistins, beaucoup de peuples. Et Dieu leur disait que tous ces gens, vous allez les chasser et vous allez posséder cette terre. Je l'ai donnée à Abraham, elle vous revient. Nous avons foi. Aujourd'hui, il y a des hommes qui sont dans notre héritage, que nos parents nous ont laissé une maison, un terrain, une parcelle, une entreprise, beaucoup de choses, mais que l'ennemi s'est accaparé par le mysticisme ou par l'occultisme et sème la terreur. Nous crions vers toi, nous avons la foi et nous comptons sur toi. Par la foi, nous nous approprions. N'as-tu pas dit dans ta parole, toute portion de terre sur laquelle nous posons notre pied nous revient et par la foi nous possédons. Louange à toi, gloire à toi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, nous venons de voir que nous ne devons pas prendre ou courir les risques de combattre les hommes de Dieu, le peuple de Dieu. Tu vas prier l'Éternel, afin que ceux qui te combattent, oui, ils puissent échouer. Ils puissent échouer dans leurs projets. Parce que la Bible dit que toute arme forgée contre toi sera sans effet. Tous ceux qui montent des complots contre ta vie, tu vas déclarer que leurs complots sont sans effet, que leurs complots seront voués à l'échec. Parce que c'est l'Éternel lui-même qui combat pour toi. Prie le Seigneur. Sur la brèche, la Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Ce matin, merci parce que le prophète Ésaïe a dit en son 54e chapitre au verset 17, « Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. » Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Seigneur, merci parce que dans notre marche chrétienne, beaucoup s'opposent spirituellement, beaucoup sont mécontents, beaucoup de façon mystique, de façon méchante, de façon diabolique, sorcière, veulent nous voir échouer, nous voir dans le désarroi, dans l'incompréhension, dans le doute. C'est pour cela, papa, tu as dit que toute arme forgée contre nous sera sans effet. C'est une parole sûre, c'est une parole certaine. En ce jour, je proclame que toute forme de tombeau que nos adversaires spirituels ont creusé devant nous, Père, ces tombeaux spirituels, maintenant nous sortons de ces tombeaux au nom de Jésus-Christ. Que tout pouvoir de l'ennemi qui nous empêchait de réussir, de nous marier, ce pouvoir est brisé au nom de Jésus-Christ. Toute parole négative qui a été prononcée contre nous, cette parole est renversée, annulée dans le sang de Jésus-Christ. Et nous pouvons maintenant dire que nous allons commander l'attention des hommes, nous allons diriger, nous allons évoluer par la grâce de Dieu au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Je voudrais rappeler que les dimanches prochains, nous n'aurons pas notre rencontre bonheur conjugal parce que c'est le jour prévu pour les élections. Que Dieu vous bénisse et à demain.